Cette expo est complètement ratée. Bon, pourquoi tu dis ça? Elle était assez intéressante quand même. Écoute, c'est nul. D'abord, les salles sont trop petites. Alors, comme il y a un monde fou, on ne voit rien. Oui, ça c'est vrai. Ensuite, les tableaux étaient placés n'importe comment. T'as compris quelque chose? Il y avait une logique? C'est vrai, c'est difficile à dire. Tu veux dire que c'était n'importe quoi?